tandis que Non emmène Phèdre à moitié évanoui, Théramène, le gouverneur d'Hippolyte, vient lui annoncer qu'Athènes se déclare en faveur du fils de Phèdre, mais que, selon certaines rumeurs, Thésée n'est pas mort. Refusant de voir la vérité en face, et malgré les conseils de Non, Phèdre s'abandonne à sa passion pour Hippolyte.